Chapitre 8. Quand l'agneau brisa le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Puis, je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu. On leur donna sept trompettes. Un autre ange vint se placer près de l'autel. Il tenait un encensoir d'or. On lui donna beaucoup d'encens pour qu'il l'offre, avec les prières de tous les membres du peuple de Dieu, sur l'autel d'or qui se trouve devant le trône. La fumée de l'encens qui brûlait s'éleva de la main de l'ange, devant Dieu, avec les prières des membres du peuple de Dieu. Puis, l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Il y eut des coups de tonnerre, des sons, des éclairs, et un tremblement de terre. Les sept anges qui tenaient les sept trompettes se préparèrent alors à en sonner. Le premier ange sonna de la trompette. De la grêle et du feu, mêlés de sang, furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute l'herbe verte fut brûlée. Puis, le deuxième ange sonna de la trompette. Une sorte de grande montagne enflammée fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer se changea en sang. Le tiers de toutes les créatures vivantes de la mer mourut, et le tiers de tous les bateaux fut détruit. Puis, le troisième ange sonna de la trompette. Une grande étoile qui brûlait comme un flambeau tomba du ciel. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile est Amertume. Le tiers des eaux devint amer, et beaucoup d'hommes moururent d'avoir bu de l'eau parce qu'elle était devenue amère. Puis, le quatrième ange sonna de la trompette. Le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, de sorte qu'ils perdirent un tiers de leur clarté. Il n'y eut pas de lumière pendant un tiers du jour et également pendant un tiers de la nuit. Je regardai encore, et j'entendis un aigle qui volait très haut dans les airs dire d'une voix forte « Malheur, malheur ! Quel malheur ce sera pour les habitants de la terre quand retentira le son des trompettes que les trois autres anges vont faire entendre !»